l'idée, c'était de parler du repère, du son comme repère urbain. Ce qui nous avait marqué, c'était que dans le quartier olympique, de par la disposition des bâtiments, un peu en quinconce, plutôt bas, avec des grandes ouvertures, et les équipements qui étaient dans le quartier, on arrivait en fait à se repérer en traversant d'un point de vue sonore et à se donner une orientation par rapport au nord-sud, à l'est et à l'ouest, en fonction des bruits qu'on entendait, soit des écoles, soit des stades, un peu à la manière dont lorsqu'on regarde une rue dans Grenoble, au fond de la rue, dans le cadrage du bâtiment, on aperçoit la montagne, ce qui nous permet de savoir dans quelle direction on va. Donc l'idée, c'était de savoir si avec le son, on pouvait avoir ce même genre de sentiment. Et donc, cette sensation qu'on avait dans le quartier olympique, on la perdait dans le musée. On pense peut-être par rapport au côté très quadrillé des îlots, par exemple. Mais après, d'un point de vue visuel, le côté quadrillé des îlots cadre très bien sur les montagnes. Donc, le son qu'on vient d'entendre, c'est un parcours en L, où on a des sources sonores en extrémité qu'on va entendre à partir d'un point A jusqu'à un point B, mais on va les perdre et les retrouver, et dans l'idée de pouvoir se repérer par rapport à ces sons lointains. Donc après, ils sont perturbés par des sons plus proches. On a un bruit de maçon qui fait son petit chantier. Voilà, ça c'est un son très proche. Mais on retrouve à la fin le clocher qu'on entendait au début, parce qu'il est situé suffisamment loin et suffisamment haut. Alors il y a une autre idée qui est celle de la... Est-ce que dans l'espace public, est-ce qu'on peut concevoir, d'un point de vue sonore, est-ce qu'on peut amener des sons qui ne soient pas non plus complètement artificiels, mais ça peut être simplement l'écoulement de l'eau. Et c'est ce qu'on entend au début de la séquence, où on passe à côté du parc, et le parc est agrémenté d'un flux d'eau qui caractérise un peu l'espace. Donc voilà, donc l'idée c'est de caractériser les lieux d'un point de vue sonore pour pouvoir s'orienter à la manière dont on peut s'orienter avec la vue, dans le cadrage des vues. Voilà. Excusez-moi, mais d'où provient la cloche? Alors la cloche, on ne sait pas vraiment si, on l'a incrusté. Si cet endroit-là, si la cloche fonctionne ou pas, mais en fait il y a un clocher près de l'école, au sud en fait. Nous on fait ce parcours-là, toc et toc. Donc on passe devant le jardin agrémenté d'eau. Ensuite on a un maçon qui travaille dans la cour, et donc on entend le clocher d'ici parce qu'il y a un peu d'ouverture. Le clocher là, mais on le retrouve surtout lorsqu'on passe devant l'école et qu'on se rapproche en fait de la source sonore. Vous n'avez pas entendu ça? Non, mais il y a. Et on n'a jamais trop su d'où elle venait, donc on ne sait pas si c'est avec le vent. Moi je donne sur le jardin des poètes. Vous l'avez rajouté la cloche, c'est pas une cloche. Oui, la cloche on a rajouté. Ah. Parce qu'on sait qu'il y a un clocher. Ah, oui. Et on sait qu'un jour on a entendu une cloche, mais après on ne sait pas d'où elle venait. Ah, et donc on a dit que est-ce qu'elle a. C'est la maison d'enfance. Ah oui. D'accord. Et on s'est dit, mais comment ça? Jamais vu une église à l'approche, à la proximité, et puis je me suis pas. On a entendu les cloches. Il y a une salle. Oui, mais on les entend, mais elles viennent de plus loin. Et je ne sais plus si ça vient du centre-ville ou si ça vient de Saint-Joseph. Mais ce n'est pas sur le quartier, il n'y a pas de cloche. On a cherché, on a vu des paroisses, on a vu des églises, on a vu des. Il n'y a pas d'église sur le village olympique, c'était un deal. Mais c'était une surprise quand même pour moi d'entendre la balade sonore, c'était à peu près à 18h, 19h. Et puis au village olympique, on a entendu la cloche, vraiment de loin. Mais ça réverbère partout, donc on n'arrive pas à distinguer elle vient d'où. Mais c'était pour moi, c'était la première fois de l'entendre. Parce que c'est l'un des sons qui n'existe pas dans le paysage sonore. Enfin, de toutes les trois quartiers VM, VO, VN. Mais hier, avec le vent aussi, on a eu des surprises de sons d'école qui venaient de très loin. Et on avait l'impression que c'était à côté, donc on cherchait l'école. En fait, bon, bah, c'était pas au bon endroit, voilà. Mais, ça touche à... Parce que c'est un peu l'idée que lorsqu'on entend quelque chose, on se retourne pour chercher la direction. Donc, se diriger aussi en se tournant dans la direction du son, bah, c'est une manière de s'orienter aussi. Pascal, en plus, il a parlé de ce phénomène d'effet de mobilité. Le fait qu'il y a la présence de la force de l'idée partout. Et on ne peut pas le repérer, mais elle est partout. C'est le pouvoir, c'est la force. C'est l'effet de mobilité. Mais en fait, la présence des voitures était assez quand même. C'était le vent à un moment donné, puis après les voitures. Bah, et à l'arrière-fond, qui était tout le. Le vrai, en fait, on a un en fond, on a l'enregistrement, le vrai enregistrement de la rue. D'accord. Donc il y a forcément les voitures. En fait, on s'est rendu compte que bien que notre parcours d'origine était en angle et on passait à travers deux rues différentes. Finalement, d'un point de vue sonore, on ne distinguait pas grand-chose. Et même les ouvertures, on ne les distinguait pas tant que ça, par rapport au... On avait l'impression que c'était vraiment plat, que tout est homogène et qu'il n'y a rien qui ressortait de particulier. C'est très plat. Moi, je trouve ça très fin, les repères sonores que vous avez réussi à placer. Je trouve qu'on sent très bien... quand c'est un son qui est proche, on l'entend tout de suite, on le localise tout de suite à droite, à gauche, un peu devant, un peu derrière, etc. Et au contraire, le lointain qui donne juste une direction un peu plus globale, quoi, on se dit, tiens, c'est par là-bas. Et je trouve ça super fun que vous avez réussi à le faire. Alors, je sais pas, parce que vous avez beaucoup travaillé avec Esquisson, ça m'étonne que vous ayez réussi à avoir un résultat aussi fin avec Esquisson. Mais en fait, on n'a pas trop trafiqué derrière, si c'est ta question. Non, mais c'est pas une critique, hein. C'est une question vraiment ouverte. Non, mais en fait, je sais pas si ce plugin, enfin ce truc servait à ça qu'on a branché sur le son. Tu nous as dit, ça, c'est pas le volume. T'es arrivé à moi, tu m'as dit, ça, c'est pas le volume. La taille de la source. Et en fait, en jouant sur la taille de la source, et en la mettant plus haute, plus grosse, on arrivait à. Alors, déjà, visuellement, en fait, ça marchait bien. En plus de taille, c'est-à-dire que plus elle est grande, plus elle va avoir une grande. On a des images. Ah, mais on a des grosses bulles en fait sur la. Oui, voilà. Et celle-là, c'est la cloche en fait qu'on voit partout parce que les autres. D'accord.